Alors, dans la suite de ce qu'il vient de dire un petit peu aussi Sébastien, je suis doctorante en histoire du cinéma ici à Paris 1, sous la direction de Sylvie Lindeperg. Je travaille sur la société de production et de distribution Sloan Iskra, qui travaille sur sport argentique. Et j'ai également travaillé pendant 2 ans avec Tanguy Perron, qui est historien et spécialiste du cinéma militant. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce séminaire, c'est d'une part que Sloan Iskra a entretenu une brève période de production et de distribution vidéo avec l'association Sloan Vidéo, dont on parlera dans les séances à venir. Donc il a été très brève dans l'histoire de la structure. Et l'enjeu pour moi est également de comprendre, alors, à la fois les rapports de la structure avec la vidéo dans ses rapprochements, comme dans le choix de s'en maintenir à l'écart finalement, puisque c'est porté par seulement une partie des membres de la société. Mais c'est pour moi aussi important de contextualiser de manière plus globale le mouvement audiovisuel militant à partir de la fin des années 70, afin de pouvoir resituer les deux supports, à la fois dans leurs expériences, leurs dispositifs mis en place de façon concomitante, pour savoir en quoi ils peuvent se nourrir réciproquement ou justement en quoi ils diffèrent complètement.